donc un peu les filles. Allez, vous partez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric et bienvenue ici sur l'antenne de RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit, et cette émission s'appelle Johnny de A à Z. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi soir. Installez-vous, parlez-en aux copains et aux copines, ça vous fera du bien aussi en même temps, hein. Ça fait de la pub, mais bien sûr. Et cette émission, donc, vous la retrouvez le lendemain ou le surlendemain en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement podcast. Voilà. Et puis aussi, on va la retrouver cette émission en rediffusion, hein, sur le site web, la radio web 100% Johnny, c'est le lundi, à partir de 21h. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai réservé? C'est très simple, je vous ai réservé un album de la semaine qui s'appelle C'est la vie et qui date de 1977. Après une année 1976 très riche en événements, hein, l'énorme succès de l'album Derrière l'amour, le Palais des Sports et l'album Hamlet, la tournée 76 post-Palais des Sports, Johnny entre au studio 92 sous la direction musicale de Jacques Revaux. Ce sera notamment leur dernière collaboration du 1er février au 11 février pour l'enregistrement du futur album C'est la vie. Et en septembre 1977, Johnny finit les voix de son nouvel album et le 18 octobre sort le 33 tours C'est la vie et se vendra à plus de 400 000 exemplaires. La pochette de l'album, photographiée par Francis Giacobetti, montre un Johnny dans un coin de salon en smoking, les mains dans les poches et la tête dans les épaules, les pieds à l'intérieur. Que nous présage cet album? Les grands auteurs hallydayens des années 70 sont présents, hein, Georges Haber, Gilles Thibault, Michel Mallory, Pierre Billon et Lon Chris. Cet album veut ressembler à l'album à succès précédent, Derrière l'amour, produit également par Jacques Revaux, avec un melting pot variété, blues rock et rock and roll, mais celui-ci n'aura jamais le même aura. Et le premier titre qu'on va écouter tout de suite pour commencer cette émission spéciale album de la semaine C'est la vie, ce sera une reprise du groupe Emerson Lake Palmer C'est la vie, adaptée par Georges Haber sous le titre Tant pis c'est la vie, et c'est Greg Lake qui interprète ce titre en version originale qu'on écoutera un peu plus tard dans la version originale adaptée pour Johnny. Voici tout de suite C'est la vie, l'album de la semaine. C'est la vie, avec ses joies, ses folies, je la prends comme elle vient, j'ai compris, c'est la vie. Tu t'en vas, surtout n'aie aucun remords, que j'ai eu raison ou tort, oublie, c'est la vie. Oh, oh, oh, c'est la vie. Oh, oh, oh, c'est la vie. Tu pars, adieu, tant pis. C'est la vie. Chaque nuit, je jouerai la comédie de l'amour à l'infini comme un défi. Et des gens, tu connais la perfidie, ils me condamneront sans pitié, je sais, c'est la vie. Oh, oh, oh, pas. Adieu, tant pis. C'est la vie. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Sur le trottoir d'en face, je la vois passer. Elle mange une glace et elle n'est pas pressée. Oh, oh, oh. Elle me sourit. Oh, oh, oh. Pour une vie comme ça, moi je suis comme un fou. On est dans un t-shirt et un vieux jean usé. Elle a des yeux noisettes et ses cheveux sont dorés. Oh, oh, oh. Elle me sourit. Oh, oh, oh. Pour une vie comme ça, oui, moi je suis comme un fou. Elle a des hanches. Tout ce que j'ai, si elle veut, je lui donne. Oui, mais contre son numéro de téléphone. Oh oui, mais elle me fait un signe, un geste de la main. C'est pour moi, elle m'appelle, salut les copains. Oh, oh, oh. Elle me sourit, oh oui, oh oui. Pour une vie comme ça, oui, moi je suis oui, comme un fou. Elle s'en va, le signe de la main, ce n'était pas pour moi. Oh, oh, oh. J'ai tout compris, oh oui, oh oui. Alors je reste là, oui, et je suis, oui, comme un fou. Alors je reste là, oui, et je suis, oui, comme un fou. Alors je reste là. Je suis comme un fou, alors je reste là. Oui, je suis. Tout au long de la soirée, vous aurez des petits clins d'œil à Elvis Presley. Pourquoi ? Eh bien, cherchez et donnez-moi la réponse sur Facebook. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live, nous sommes à présent sur Europe 1, exactement le 16 janvier 1978, et Johnny reprend le titre d'Elvis Presley, My Baby Left Me, qui devient Si tu me quittes. C'est un bootleg, c'est un enregistrement radio, ben oui, la qualité sera moyenne. Et les années 70. On m'a tout dit dans ma vie. Oui. C'est une bête de scène. Oui. C'est James Dean du rock'n'roll. Que... Mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'on dise que, surtout, je suis Johnny Hallyday. jours sur ma peau. Je confonds bonheur et douleur entremêlés dans un sanglot. En voyant s'enfuir tes cheveux, où brûle ma propre croix de feu. En deux, la version intégrale, on va dire, qui était sortie uniquement en musique cassette à l'époque. Et le 13 avril, le nouveau single Le Cœur en deux marque l'arrivée parmi les collaborateurs de Johnny du nouveau venu Pierre Billon, le fils de Patachou. Pierre Billon qui collabore déjà avec Michel Sardou, aussi bien sur les textes de 10 ans plus tôt, Je vole par exemple, que la musique Être une femme. Et le 45 tours remporte un grand succès avec également une superbe face B, Il neige sur Nashville, qu'on écoutera un peu plus tard sur un texte de Long Chris, Je respire, et il nous met l'eau à la bouche pour attendre la parution du nouvel album le 18 octobre suivant. Le prochain titre qu'on va écouter, ce sera C'est pas comme ça que tu oublieras, toujours sur l'album de la semaine, C'est la vie, sorti le 10 octobre 1977. Retenez bien l'année 1977. Comme une queue de pelle, t'es encore raide comme un pendu. Mais non, je dis pas que t'es perdu, mais non, je n'ai pas parlé d'elle. T'es encore plein comme un potin, encore beurré comme un petit lune. T'es pas traité de coquille, je te jure, j'ai pas parlé du teint. C'est pas comme ça que tu l'oublieras. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu l'oublieras.

Encore un petit clin d'œil à Elvis Presley. Pourquoi un clin d'œil à Elvis Presley? Car 1977 est l'année de la mort du King Elvis Presley. Et Johnny, on l'entendra un peu plus tard au cours de cette émission, témoignera de son affection pour le King. À présent, revenons à la version originale adaptée pour Johnny Hallyday. On va écouter la chanson C'est la vie, je sais, on l'a écoutée en ouverture de l'émission, mais écoutons ce titre, le titre original. Emerson, Lake et Palmer retiennent en Greg Lake non seulement un bassiste virtuose, mais aussi un bon chanteur. Il avait d'ailleurs occupé ce poste au sein des Gods. En 1975, Greg Lake démontre son goût et son talent pour les belles chansons de facture classique avec I Believe in Father Christmas, et les personnalités au sein du trio sont si différentes que Works, album double, laisse à chacun une face entière pour s'exprimer, et le trio étant reconstitué pour la quatrième face. Dans l'espace qui lui est imparti, Greg Lake enregistre C'est la vie, expression française comprise par les anglo-saxons, comme déjà vu, hein, et commercialisé en 45 tours aux USA. Le titre s'y classe numéro 91 en septembre 1977. Voici de suite Emerson, Lake and Palmer, C'est la vie. Version originale de Tant pis, c'est la vie. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie.

Johnny et les années 60. Si ça continue, le rock va avoir une mauvaise réputation. Alors que normalement, le rock, c'est comme une musique saine pour les jeunes. Et c'est très embêtant. I'm gonna see the right down and cry over you. I'm gonna see the right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna see the right down and cry over you. Je t'aimerai plus fort encore à chaque fois. Je t'aimerai plus fort encore au fond de moi. Et si tu me quittais demain, ah, si ton cœur a du chagrin, je serai là pour pleurer auprès de toi. Well, I'm gonna tell my mama, tell my papa too. Well, so they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna see the right down and cry over you. Plus fort encore à chaque fois. Je te trouverai plus fort encore au fond de moi. Et si tu me quittais demain, oh, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Well, I'm gonna tell my mama, well, tell my pop too. Oh, so they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna see the right down and cry over you. I'm gonna see the right down and cry over you. I'm gonna see the right down and cry. Un petit clin d'œil à l'émission de la semaine dernière où j'avais proposé les versions étrangères et les versions françaises, voilà, que Johnny avait interprété en anglais et mixé avec les versions françaises qu'il avait faites aussi pour d'autres albums. Et là, tout de suite, on va retrouver la rubrique de Antoine Decon, l'Odyssée de Johnny Hallyday. Et cette fois-ci, il va nous parler d'un titre, celui que tu préfères, encore un titre d'Elvis Presley. Une reprise d'Elvis Presley. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Attention, c'est Antoine Decaune qui vous parle dans vos oreilles et j'ai une importante déclaration à vous faire. Vous êtes prêts? Oui. Écoutez ça. Au départ de toute vocation, il y a une révélation, un chemin de Damas, voire une épiphanie. Pour Johnny, le choc qui le fait définitivement basculer du côté du rock'n'roll, c'est d'assister à une projection du film Loving You de Al Kanter avec Elvis Presley. I will spend my life through. Distribué en France sous le titre « Amour frénétique », c'est le deuxième long métrage avec Elvis Presley dans le rôle principal. Avec beaucoup de naturel, Elvis y incarne un jeune chanteur de rock'n'roll nommé Dickie Rivers. Tiens, Dick Rivers, bah, ça me rappelle quelqu'un. Ça serait pas le même film qui aurait changé la vie d'un niçois qui faisait pas du rugby de tapette avec ses chats sauvages? Ma petite amie, j'ai pas, je ne vous dis que ça. Ma petite amie, j'ai pas, je ne vous dis que ça. Ah, excusez-moi, je m'égare. Revenons à Johnny, ou plutôt à Elvis, qui dans le film Loving You, en français Amour frénétique, interprète des rocks qui le sont aussi frénétiques, comme Mean Woman Blues, le blues de la méchante femme. Bouh, qu'elle est méchante cette femme. Depuis qu'il a vu le film Loving You, Johnny voue une admiration sans borne à Elvis Presley. Parmi les morceaux entendus sur la bande originale, il adore Let's Have a Party, qu'il va enregistrer une première fois sous le titre Viens faire une party, eh oui, en 1959, puis une seconde fois sous le titre Oh, laisse-la partir, en 1964. Comme quoi, entre les deux, il a changé d'avis. Elle te fait des histoires, te trouble la mémoire. Elle cherche à s'amuser, mais elle ne veut pas t'aimer. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Oui, tu peux me croire, je la connais. Elle ne changera jamais. C'est également en puisant dans la bande originale du film Loving You que Johnny s'entige de Let Me Be Your Teddy Bear. Let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh, let him be your teddy bear. En français, le titre est adapté par une chanteuse aujourd'hui injustement oubliée, Regina Grant. Sous le titre « Ours en peluche », son teddy bear contient des allusions carrément, comment dire, sadomaso. Si, je vous jure, écoutez ça. Baby, fais de moi ton petit ours en peluche, passe-moi. En 1959, déjà sur le magnétophone d'un copain de patinoire et avec un pote guitariste, Johnny avait enregistré à 16 ans seulement sa propre version de Teddy Bear. Une tentative d'ailleurs plutôt convaincante pour un débutant. La vie n'a pas de patience avec les cœurs d'enfants. Je t'offre ta défense. L'amour n'a pas sa chance. Viens souvent. Oh oui, enfin de moi. Ton ours en peluche. Passe-moi la corde au cou. Cinq ans plus tard, en 1964, donc, notre héros enregistre une autre adaptation du Teddy Bear d'Elvis Presley, à laquelle le parolier Ralph Bernett a cette fois donné le titre « Celui que tu préfères ». Et puis ça tombe bien, parce que celui qu'on préfère ici à l'Odyssée, c'est Johnny Hallyday. J'aurai les mots qu'il faut, et même des nouveaux, afin d'accrocher ton cœur, laisse-moi le bonheur d'être celui que tu préfères. Je te serai docile, je te suivrai partout. La vie sera facile et les heures plus douces entre nous. Je veux être celui que tu préfères. Mets des chaînes autour de moi, tout pour te satisfaire, pour être celui que tu préfères. Oh, laisse-moi aussi partager tes nuits. Je ne vis que pour cela, pour connaître la joie d'être celui que tu préfères. Je te serai docile, je te suivrai partout. La vie sera facile et les heures plus douces entre nous. Je veux être celui que tu préfères. Oui, mets des chaînes autour de moi, tout pour te satisfaire, pour être celui que tu préfères. Pour être celui que tu préfères. Celui que tu préfères. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. On revient à l'émission de Johnny de A à Z avec l'album de la semaine C'est la vie, mais pas encore. On va pas encore écouter un autre extrait. Pour l'instant, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans cette année 1977. On peut dire que le 1er mai, c'est le départ pour Marrakech où se tiennent pendant une semaine les Olympiades d'Europe 1 au club Méditerranée où se trouvent John Hayden, Michel Sardou, Sheila, Ringo. En fin de mois, il y avait plus de 50 artistes de l'époque qui figuraient, donc faisaient des Olympiades. Et Johnny Hayden, apparemment, a eu la médaille d'or au tir à l'arc. Puis après, Johnny refera une apparition sur différents plateaux de télévision ou à la rigueur de la radio. Et là, je vous diffuse un petit extrait de Europe 1. C'était dans l'émission de basket en juillet 1977 où Johnny est avec Michel Sardou. Et puis, donc, l'émission basket était animée par Jean-Loup Lafont. Voici tout de suite le petit documentaire. Johnny Hallyday et Michel Sardou. Alors, je vais tenter d'établir de suite la liaison. Johnny Hallyday et Michel Sardou, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Première question, où vous trouvez-vous exactement ? Moi à Noirmoutier et Johnny à la Baule. Ouais. Bon, on est bien parti. Non mais vous êtes près d'une piscine, vous êtes dans un jardin, vous êtes sous des palmiers en short, comment ? Très bien, on est décontracté, on boit un coup à ta santé. Tu vas bien, tu bois un coup à la nôtre ? Très volontiers, je vais aller tirer un café. Ah bon, ça va alors. Johnny Hallyday et Michel Sardou, depuis Saint-Tropez... où il a retrouvé son ami Michel Sardou, Johnny Hallyday va vous parler maintenant de son espoir, Jim Dropper. Johnny ? Oui ? Dis-moi, alors c'est quelqu'un qui chante avec toi, je crois. Oui, c'est exact, oui. Ben écoute, justement, il est à côté de moi, je vais te le passer. Eh ben volontiers. Bonjour. Bonjour, Jim Dropper, c'est votre vrai nom ? Non. C'est un pseudonyme ? Oui, oui. Vous chantez avec Johnny depuis longtemps ? Depuis 4 ans maintenant. Je fais ses chœurs depuis 4 ans. Depuis 4 ans ? Oui. Vous êtes originaire de quelle ville ? De Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe.

L'amour formica, John Hallyday et Michel Sardou, c'était le 25 juin 1977, top à Michel Sardou, et 15 jours auparavant, non même pas, quelques jours auparavant, c'était le Formule 1, le numéro 1 des Carpentiers, John Hallyday. On en parlera un peu plus tard au cours de cette émission. Et du 28 juin au 18 septembre, la tournée d'été est marquée par la mort d'Elvis Presley le 16 août 1977. Johnny rend hommage au King en bouleversant son tour de chant le 17 août à Agde. Et on va écouter John Hallyday sur Europe 1, témoignant sur Elvis. Elvis Presley, c'est le jour où je l'ai connu. Donc c'est l'Elvis des débuts, si vous voulez. Ça m'a fait autant de peine ce matin, parce que quand on aime quelqu'un, qu'il ne soit plus ce qu'il l'a été, n'a aucune importance. Il restera toujours dans mon cœur, je veux dire, tel que moi je l'ai connu au début et tel qu'il m'a marqué. Vous l'avez rencontré plusieurs fois ? Non, je l'ai rencontré une fois, c'était lors d'un de ses spectacles. À Lake Tahoe. C'est Sammy Davis Jr. qui nous avait présenté l'un à l'autre à la suite de son spectacle. Je n'ai pas discuté énormément avec Elvis, à part bonjour, bonsoir. Je crois que c'est quelqu'un avec qui on ne discutait pas, à moins d'être très intime avec lui. C'est la dernière des stars qui s'en va. Et on pense à Elvis avec ce titre Way Down, extrait de l'album Moody Blue, son dernier album, datant de 1977. Hey, you get closer, the lights are going dim, the sound of the breathing, made the mood I'm in. All of my resistance lying on the floor, taking me to places I've never been. I can feel way down where the music plays, way down like a tidal wave, way down where the fire plays, way down, way on down. Ooh, my head is spinning. Fingers swirling carousel, medicine within me, doctor couldn't prescribe. Love is doing something that I just can't describe. Ooh, when I can feel it. À l'instant, Elvis Presley sur le thème de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. On revient à l'album de la semaine qui est C'est la vie, sorti le 18 octobre 1977. Il y a deux titres qui font exception à la déprime ambiante de l'album. Voici l'un des deux. La croisière de souvenirs Cruise Sea, un standard US chanté par Frankie Ford et repris par Jerry Lewis, John Fogerty, Johnny Rivers, les Shanana et les Beach Boys entre autres. Croisière de mes souvenirs. Oh oui, toujours. idée folle. Et que Jerry Lee et Buddy Holly vont faire la croisière de mes souvenirs. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. En toute jeune idée à Saint-Tropez, c'était le 8 août 1977, et reprend un de ses titres de son show, Johnny Story, joue pas de rock'n'roll pour moi, extrait du précédent album, Derrière l'amour, bien entendu. Oh,

quelques secondes un nouveau duo avec Rosa Fumento, Rosa Bobacara, oui, une ancienne mannequin qui était une période aussi maîtresse de Johnny Hallyday. Hein. Quand je suis entré dans le saloon, vêtu comme Daniel Boone, tu m'as dit, Momo Vero, tu me plais, j'espère que je te plais. Oh, tu m'as dit, je sais faire les spaghettis après avoir fait l'amour. Je t'ai dit, tu me rends crazy, viens, on va faire un tour. Si tu penses que les roses sans épines n'ont pas de parfum, oh, de la rosa, tu seras bacara. Si tu te moques des roses sans épines, en garde à tes mains, oh, de la rosa, tu seras bacara. Quand on est reparti du saloon, roulant comme Daniel Boone, tu m'as dit, Momo Vero, je te veux, tu sais, je connais des jeux. Oh, à l'heure où chantent les oiseaux, t'allumer une cigarette. J'ai dit, Rosa, tu fumais tôt, alors tu m'as fait la tête. Pense que les roses sans épines n'ont pas de parfum. Oh, je te la rosa, tu seras ma cara. Si tu te moques des roses sans épines, en garde à tes mains. Oh, je te la rosa, tu seras ma cara. Le numéro 1 de Johnny Hallyday, le 11 juin 1977. On revient à l'album de la semaine qui est C'est la vie, sorti le 10 octobre 1977. Et là, on va arriver à un titre variété. Hein, donc, il y en a pas mal dans cet album-là. Les Français adorent Johnny Hallyday chantant de la variété. Et voici Johnny qui va interpréter Vivre. Vivre. Tu ne m'as même pas laissé le goût de vivre. Je suis comme un radeau qui flotte à la dérive. Vivre pour quoi? Vivre pour qui? Oh, vivre! Il faudra que je trouve la force de survivre. Je préférais souffrir avec toi qu'être libre. Tu étais la vie, tu es parti. Vivre sans toi, ce n'est plus vivre. C'est apprendre chaque jour à mourir. Vivre sans toi, je vis, mais le bonheur a dû te suivre, et je n'ai même plus envie de le poursuivre. Je reste là, je pense à toi. Oh, vivre, j'attends maintenant. C'est seule qui saura à nouveau me faire sourire. Tu étais la vie et tu es parti. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 80. Qu'il vaut mieux en finir Oui, dans ces moments-là, croyez-moi, pas un mot, pas un cri. Et quand ça vous brise le cœur. Extrait de l'album Hallyday 84, Les Enfants du Rock, Johnny Rock qui reprend un titre de Elvis Presley, That's When Your Heartache Begins, sous le titre Quand ça vous brise le cœur. Revenons à présent à la version originale adaptée pour Johnny Hallyday, la version originale de La Croisière de Souvenirs et Cruise the Sea, un standard donc chanté par Frankie Ford, mais cette fois-ci, ce sera une version alternative, on va dire, qui a été chantée par Cliff Richard en live, mesdames et messieurs. Oui, oui. Richard avec La Croisière de Souvenirs, ou sinon, si vous préférez, Sea Cruise, La Croisière en mer, hein, tout simplement. Et on revient à l'album de la semaine avec, cette fois-ci, dans cet album, on va trouver dans l'album C'est la vie, sorti en 77, les deux derniers titres de, composés par Tommy Brown. Au secours, et je suis vraiment très bien, Tommy Brown qui a été emporté par un cancer en 1978. On retrouve Johnny avec le titre Je suis vraiment très bien. Ici, dans cette chanson, oui, les années, le mépris effacent ton nom. T'en fais pas, car pour moi ça va très bien. Maintenant je suis vraiment très bien. Perdu dans la ville, oublie ma maison. Oui, tu t'en vas, ô pauvre fille, crache ton poison. T'en fais pas, mais pour moi, ça va très bien. Maintenant, je suis, oui, vraiment très bien. Je sais la morsure que fait le serpent. Je sais, moi j'ai le cœur marqué de tes dents. Maintenant je suis bien. Ouh, mais pour moi, ça va très bien. Je te dis, mais pour moi, ça va bien. Oui, ça va très bien. Vraiment très bien. Wouh! Au fond de ton regard, l'envie de crever. Oui, va traîner au hasard, ton ventre affamé. T'en fais pas, mais pour moi, ça va très bien. Je te dis que pour moi, oui, ça va très bien. Tu peux porter le deuil de tes espoirs, mais tu peux les envoyer au diable noir. Maintenant, je suis bien. À présent, on va écouter la face B, donc Du cœur en deux, un superbe titre hein, qui est Il neige sur Nashville, et ce titre a été écrit par Long Chris. Je me suis réveillé un matin à côté d'elle. Dans une maison en bois, en dehors de la ville. Le feu était mort dans la cheminée. J'ai commencé à écrire cette chanson. Et il neige sur Nashville. Il neige sur Nashville. Nous sommes sortis très tôt, nous avons marché très loin. Sur ce qui devait être une ancienne voie ferrée. Quartier où les noirs montrent le poing, où les chiens nombreux cherchent à manger. Et il neige sur Nashville,

direct dans l'émission Johnny de A à Z sur RIG tous les mercredis de 22h à minuit. À l'instant, Johnny Hallyday chantant Amour d'été en 1967. Évidemment, c'était la version française de Love Me Tender. Petit clin d'œil à Elvis Presley qui est mort lors de l'année 1977 et qui est également l'année de l'album de la semaine qui s'intitule C'est la vie. Et on va écouter le dernier titre de cet album de la semaine qui sera donc Le Rock'n'Roll est né. Et si je retrouvais mes petites fiches, ce serait bien. Oui, oui, tout à fait. Oui, j'écris mes petites fiches moi aussi. Rock'n'Roll est né, qui est un titre original de Long Chris et ainsi que de Eric Bamy. Et les années 70. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Et je serai si seul, mon Dieu. Oh, je serai si seul. Oh, je serai si seul à en mourir. Oui, des larmes du grand coulent sans cesse. Le portier tout en noir. Car ils sont restés dans la détresse. On ne pourra plus jamais les revoir. Et ils se sentent si seuls, mon Dieu. Oui, ils se sentent si seuls. Se sentent si seuls qu'ils pourraient mourir. Ouais, l'hôtel est toujours complet. Et je sais qu'il y a une place pour ceux qui ont le cœur brisé par un amour déchiré. Et ils se sentent si seuls, mon vieux. Ils se sentent si seuls. Ils se sentent si seuls. Où tu seras si seul à mourir. de partir. Je sais où je vais mourir. Au fond d'une rue, au mur mouillé, à l'hôtel des Corriveaux. Et je serai si seconde. Oui, je serai si seul. Oui, je serai si seul. À mourir. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et pour terminer cette émission sous le signe de l'album de la semaine, c'est David. Je vous propose de partir au Palais des Sports en 1971 où Johnny, en fin de concert, fait un petit medley rock'n'roll avec Jenny Jenny, Blue Suede Shoes, Ola Shaking Going On. Voici 11 minutes de pur bonheur sur l'antenne de Régé dans l'émission Johnny de A à Z. Say hate you. Knock me down, tell my face, son of my name all over the place. Do what you think that you want to. Oh, honey, I'm a nice evil, don't you? Do what you think, but they offer my blues, they do. Qui se présente tout de suite, s'il vous plaît. L'orchestre dirigé à la Pacey par Tommy Brown. Chef de cette émission, Johnny de A à Z avec l'album de la semaine, C'est la vie. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté, participé à cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition, Johnny Hallyday en live. Merci à toutes et à tous et bientôt, bonne nuit, ciao ciao.